J'suis sans pitié. Dératurer du sang en général, ça fait baliser. Mais c'est tellement facile à réaliser. Ma violence est canalisée dans ce putain de rap, analyser des ports. Ça m'a pas ouvert de porte, alors j'craque, ça les amuse de se battre. Ils en ont jamais assez, alors j'arrive avec mon flow pour les tabasser. Des mortels dont la vie devrait s'écourter. Bordel de merde, coupe ta radio, moi j'ai du son à te faire écouter. J'ai partagé des plaintes, essuyé des craintes. J'ai pris de l'âge et mon seul but est de laisser une empreinte. Peu importe où et peu importe le malheur des autres. Si la vie leur suffit pas, c'est entièrement de leur faute. Guérissez vos âmes ou je fournirai les cordes. Et s'ils ne sont pas d'accord, alors je distribuerai des lames. Donc à laisser chez vos larmes ailleurs, car les miennes ont été rejetées. Pas prises au sérieux, mais je me suis relevé. Madame la faucheuse, trouve-les, pends-les. Ils polluent l'idéosphère et de leur vie j'en ai rien à branler. De l'énergie utilisée en vain à régler des problèmes de cons, noyés dans les cachetons et le mauvais vin. J'ai jamais pris le train qui mène aux banalités. J'ai juste eu le temps de créer une passe de qualité. Celle que les gens oublient aveuglés par leurs petits malheurs. Et qu'ils se font plaisir à détruire en cœur. J'suis un bâtard, c'est clair, et j't'emmerde. J'me sens pas impliqué dans cette merde, et j'ai rien à perdre. J'fais le son que j'veux, j'écris ce que j'veux. Et les parasites devraient crever en masse quand j'veux. Y'aura pas de moralité dans ce morceau, c'est juste la finalité de 10 années en solo. Cassez-vous la gueule pour des broutilles, bousiller la terre. J'avance en sous-marin et j'ferme les écoutilles.